Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Ɓiɗɗo holludema hunde waɗirano mi wi'irino. Ɓiɗɗo holludema hunde waɗirano mi wi'irino. Prenez. Yettu. Yettu. Donnez-moi les lunettes. Jonnan linette gene. Jonnan linette gene. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Yettu crayon waɗa ka enveloppe. Yettu crayon waɗa ka enveloppe. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Retourne verre, yetta ciseaux. Retourne verre, yetta ciseaux.